Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le nouveau numéro d'Historia, daté de mars, vient de faire son apparition dans les kiosques et Franck Ferrand y a trouvé de quoi combler son insatiable curiosité. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le grand dossier de cette livraison d'Historia s'intitule 1914-1918, la guerre des espionnes et des espions. Il a été conçu par Yvonique de Noël qui est avec nous cet après-midi pour évoquer quelques-uns des dossiers les plus brûlants et les plus méconnus de la Grande Guerre. Et à titre de préambule, vous allez donc nous raconter la saga d'un mystérieux personnage. Oui, d'ailleurs, celui-là, on l'avait surnommé l'homme mystérieux de l'Europe, un fameux marchand d'armes qui n'était pas au sens propre un espion, mais qui avait maille à partir avec eux très souvent. Il s'appelait Basil Zaharoff. Laissez-moi vous conter son impensable destinée. Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Je ne vais pas tellement déroger à la règle qui consiste généralement à présenter des personnages hors du commun dans cette émission, mais celui d'aujourd'hui, vous allez voir, est tout particulier. The Mystery Man of Europe, l'homme des mystères en Europe, il s'appelait Basil Zaharoff, Sir Basil pour les Anglais, dont le roi l'avait anobli. Il était né en 1849, mort en 1936. Or, il était en son temps l'homme le plus riche du monde, tout simplement. Le plus riche, mais aussi l'un des plus honorés. Chevalier de l'Ordre du Bain en Angleterre, Grand Croix de la Légion d'honneur en France. Il est bardé de titres de décoration, docteur honoris causa de plusieurs grandes universités d'Europe. Vous pensez évidemment qu'un tel homme ne peut être issu que de la grande bourgeoisie. Eh bien, vous faites erreur. Basil Zaharoff est né au milieu du XIXe siècle dans ce qu'il y a de plus modeste et de plus pauvre, dans une famille de Grecs misérables qui avaient dû fuir Constantinople et l'Empire ottoman à cause des massacres de 1821, au moment de la prise d'indépendance de la Grèce. Il s'était réfugié en Russie, d'où ce nom de Zaharoff. Et la famille en question était revenue en Anatolie, où Basile a fini par naître. Basile, en grec basileus, hein, le roi, un présage quand on sait que le petit enfant pauvre deviendra donc un jour, d'une certaine manière, le roi de l'Europe marchande, après avoir fait la plus fabuleuse des fortunes dans un domaine bien particulier, celui de l'armement. Nous y voilà. La réussite fracassante de Zaharoff est liée au commerce controversé des armes, d'où la réprobation morale qui accompagne l'ascension de celui qu'on surnommera aussi le marchand de mort subite. Vous allez voir, sa vie ressemble à une sorte de conte philosophique. Alors n'allons pas trop vite tout de même. Pour le moment, nous sommes aux alentours de 1860, à Constantinople, dans le quartier sordide, dans le quartier malfamé de Tatavla. C'est le quartier stambouliote des bouges et des bordels infâmes, où ce petit garçon du nom de Basile exerce une occupation. Il est guide. Vous allez dire, oh, ben c'est bien gentil ça. Non, non, non. Guide à Tatavla, à l'époque, cela veut dire qu'il est en vérité le grand connaisseur des bordels et qu'il... Ah. Eh oui, il récupère, pas les touristes. Non, il récupère les marins en goguette et il les emmène dans les endroits les plus affreux. Quand il devient adolescent, il est pompier. Ah, ben là, vous dites ça y est. Beau métier. Oui, mais pompier à Constantinople à l'époque, ça veut dire que d'abord, on commence par mettre le feu au quartier et une fois que le feu a été déclaré, on vole, on pille les maisons. Ah c'est oui. Ça ce qu'on appelle c'est les pompiers. Autre style oui, de pompier. Voilà. Bref. Il va tremper dans toutes sortes de commerces plus ou moins louches. On le voit circuler un peu à travers l'Europe. Là, il devient un jeune homme. Il va être en procès à Londres pour avoir mis en gage à son profit quelques 25 caisses de gomme et 169 sacs de noix dont il a récupéré 1000 euros. Ça, c'est le gage qu'il a récupéré. Tout ça avait été confié par un marchand grec de Constantinople. Il y a pas mal de Grecs de Constantinople à Londres dans cette période victorienne. Et il faut savoir qu'on a horreur du scandale dans cette communauté. Donc, on va voir la communauté faire corps autour de ce jeune homme et lui offrir pour 100 livres, ce qui est une très grosse somme hein, quand même, ne nous y trompons pas, la liberté provisoire. En fait, il a manigancé une histoire incroyable. Il racontera plus tard qu'il avait réussi à s'associer avec son oncle, que son oncle l'avait accusé de vol et de détournement, et qu'arrivé au tribunal, par miracle, il avait retrouvé dans sa poche, plié dans le fond de sa poche, le contrat qui prouvait que son oncle était en fait son associé. Tout ça est une histoire intégralement inventée, et depuis, un certain nombre d'historiens, je pense à Neumann notamment, ont démontré que c'était complètement faux, que c'était une belle histoire. Comme Zaharoff ne cessera du reste d'en concevoir pendant toute son existence, car sa principale occupation, c'est de raconter des histoires à tout le monde pour mieux les entourlouper. On le retrouve à Athènes, où il est officiellement garçon de café. C'est en vérité une couverture pour ses activités de courtier. Il faut dire qu'il est très beau, hein. Il est le teint mat, des yeux très clairs, des cheveux châtains bouclés. Il a un succès phénoménal auprès des femmes. Les hommes le trouvent tout à fait charmant. Et il va rencontrer notamment un journaliste politique très influent qui s'appelle Étienne Skouloudis. Et ce Skouloudis est en vérité l'agent discret, pour ne pas dire secret, d'une firme d'armement britanno-suédoise qui s'appelle Nordenfeld. Firme extrêmement importante à l'époque, qui fournit des armes à peu près à tous les Balkans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la firme en question, Nordenfeld, est à l'origine des tout premiers sous-marins, des sous-marins qui fonctionnent plus ou moins bien d'ailleurs. En octobre 1887, la firme arrive à vendre un sous-marin aux Grecs. Eh oui, mais quand vous vendez quelque chose aux Grecs, vous savez que généralement, vous ne tardez pas à en vendre aux Turcs en face. Un sous-marin aux Grecs, allez, deux sous-marins aux Turcs. Et comme ils ont vendu des sous-marins aux Turcs et que la Turquie, l'Empire ottoman de l'époque, est le grand ennemi de l'Empire russe, eh bien, on va vendre plusieurs sous-marins à la Russie. Et voilà. Nordenfeld devient l'employeur de notre Basile, de notre Basileuse, de notre roi de la combine. J'allais dire de la magouille. Il y a quand même un concurrent sérieux à cette firme Nordenfeld. C'est un certain Hiram Maxim. Maxim est un ancien boxeur qui est devenu ingénieur, spécialisé dans l'armement et qui vend des mitrailleuses. Ces mitrailleuses font directement concurrence à celles de la firme Nordenfeld. Et là, Hiram Maxim va commencer à voir de quel bois notre Basile Zaharoff se chauffe. Il y a un concours de mitrailleuses, concours sur cible, avec un certain nombre de tireurs qui a lieu à La Spezia en Italie. Il y a deux mécaniciens qui ont été formés spécialement, entraînés par Hiram Maxim pour montrer l'efficacité de ces mitrailleuses. Comme par hasard, les deux mécaniciens rencontrent dans la rue un jeune homme qui leur propose d'aller boire un coup, puis de fréquenter un certain nombre de maisons. Ils vont être dans un état effroyable le jour du concours. À Vienne, Maxim organise une grande démonstration également. Il se rend compte au moment même de la démonstration que les machines ont été enrayées, littéralement, bref, sabotées. Il a d'ailleurs compris ce qui se passe. Le soir même, il se présente à l'hôtel de Basile et plutôt que de lui mettre un contrat sur la tête, Daisy décide de signer un contrat avec lui. Désormais, ces deux-là vont être associés dans le crime, ai-je besoin de le dire. Thank you. Un extrait de la méditation de Thaïs sur Europe 1, signé Jules Massenet. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Basile Zaroff. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous plongez au cœur de l'histoire d'un homme. Cet homme, c'est Basile Zaharoff. On vient de le voir avec vous, il a eu une enfance hors du commun, une adolescence aussi dans le milieu des voyous. Et on vient de le voir, il est courtier en armement, il vient de s'associer avec un autre homme. À l'époque, c'est un milieu qui est florissant. Oui, c'est un milieu qui est d'autant plus florissant qu'on est dans une période de montée des périls. Déjà, si je puis dire, cette fin du XIXe siècle est marquée par, vous le savez, l'effondrement de la France à Sedan, la chute du Second Empire, le déploiement de la puissance allemande, ce tout nouveau empire allemand qui a été fondé en 1871. Il y a un jeu d'alliances terrible qui engage les grandes puissances à s'armer et même à se surarmer. Et un certain nombre de sociétés de fabrication d'armement, dont certaines sont allemandes, d'autres britanniques, qui se font une concurrence terrible pour vendre aux différents gouvernements non seulement des mitrailleuses et des sous-marins, comme je vous l'ai dit, mais toutes sortes d'armes, bien entendu, et de canons. Rappelez-vous la fortune des Krupp, etc. Bref. Pour vendre, pour être la firme choisie lors d'un marché d'armement, faut-il encore que le ministre en ait ainsi décidé, que le gouvernement en question l'ait voulu. Et c'est là qu'intervient la corruption, disons les choses. Alors, on pourrait raconter 1000 anecdotes sur la manière dont Basile Zaharoff avait pris l'habitude de corrompre les gouvernements auxquels il s'adressait. Je vous donne un exemple qui concerne un ministre français que je ne nommerai pas. C'est Zaharoff qui avait raconté ça dans ses mémoires. Et cette partie-là, cette feuille de ses mémoires a échappé à la disparition. Donc c'est comme ça qu'on connaît l'histoire. Zaharoff se présente chez un ministre et il lui propose ses mitrailleuses. Et le ministre lui dit, écoutez, nous allons voir, mais nous n'y croyons pas trop, etc. Mais si, mais non, etc. Réfléchissez, lui dit Zaharoff, je repasserai demain jeudi. Oh, c'est tout réfléchir, répond le ministre, et de toute façon, demain nous ne sommes pas jeudi, demain nous sommes mardi. Non, jeudi, non, mardi. Écoutez, monsieur le ministre, je suis prêt à parier 100 000 francs, on parle de francs or à l'époque, 100 000 francs avec vous que demain est un jeudi. Et voilà comment le ministre se met 100 000 francs dans la poche. Quant à Zaharoff, il ressort, lui, avec un contrat dans la poche. Incroyable. Et voilà comment ça se passe. En 1890, Nordenfeld décide de se débarrasser de Maxim, de cet ancien boxeur qui était devenu le principal concurrent de Zaharoff. Et très intelligemment, Zaharoff va lui offrir une porte de sortie, si je puis dire. Ils vont s'associer. Et oui, désormais, il n'y aura plus besoin de se battre contre Maxime, puisqu'il devient non seulement l'associé, mais le principal soutien de Zaharoff. Et les deux hommes vont littéralement mettre les cabinets de l'Europe entière en coupe réglée. On peut dire maintenant de Zaharoff qu'il est devenu un homme très influent, très important. Il connaît à peu près tout et tout le monde. Et il va être capable, surtout, et c'est ce qu'il y a de remarquable, d'influencer la politique, non seulement les achats d'armement d'un certain nombre de gouvernements, mais la politique d'un certain nombre de gouvernements. Je cite Alain Decaux qui nous racontait l'histoire de Basile Zaharoff à la télévision dans les années 1970. Il y a, dit-il, l'exemple d'une lettre envoyée en 1907 par la fabrique allemande de munitions Paul von Gonthardt, fabrique dont la Vickers et Zaharoff ont secrètement le contrôle, parce qu'ils travaillent maintenant pour cette grosse société britannique, Vickers. Cette lettre est adressée à un agent de Paris et indique le thème qu'il convient de faire traiter dans un certain nombre de journaux français. La France a décidé d'accélérer considérablement son armement et de doubler le nombre de ses mitrailleuses. « Si vous ouvrez les journaux français quelques semaines plus tard, nous dit Alain Decaux, vous trouverez bien ce thème, sinon traité à la lettre, du moins dans son esprit. Or, au Reichstag, un député allemand monte à la tribune et lit les articles de la presse française. Grande l'émotion. On vote une augmentation du budget de l'armement et quand en France cette décision sera connue, une autre campagne commencera. Nous laisserons-nous distancer par l'Allemagne ? Tout cela parce qu'une lettre de M. Paul von Gonthardt en 1907 a tout déclenché. » Comprenez ce que c'est que la manipulation, en quelque sorte. Et une manipulation qui, à l'époque, passe tout directement par la corruption des patrons de presse, tout simplement. Alors, Zaharoff est en train de prendre de l'importance. Là, je suis allé un peu vite en 1907, mais en 97, Maxime est devenu un personnage extrêmement important. Et Zaharoff aussi, c'est comme ça que peu à peu les deux vont intéresser la Vickers, qui est un petit peu le pendant, si vous voulez, de Krupp en Allemagne. Zaharoff est là, qui pousse chaque contrat, il va devenir un des principaux agents donc de la Vickers. Et quand en 1911, Hiram quittera le consortium, Zaharoff, lui, restera. Il sera administrateur délégué et surtout, il va récupérer à un prix très avantageux les parts de son ancien associé. Il devient à ce moment là, quand je vous disais l'homme le plus riche du monde, il est en passe, en tout cas, de le devenir. N'oubliez pas qu'on est en pleine guerre, cette course navale terrible entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, à qui aura les navires de guerre les plus importants, etc. Et évidemment, lorsque vous êtes en position de vendre aux deux puissances, vous gagnez tout simplement sur les deux tableaux. Même chose avec l'alliance franco-russe. Hein, les Français et les Russes ont décidé de s'armer et inutile de vous dire qu'ils ont pour ce faire un certain nombre de conseillers. Ce qui suppose d'être très bien renseigné, ce qui suppose de disposer d'un certain nombre d'agents aux bons endroits, au bon moment, c'est ce dont nous allons parler tout à l'heure. Donc Zaharoff est devenu un des plus grands pontes de l'armement. C'est un homme amoureux aussi. Alors là, les circonstances seraient rocambolesques et longues à raconter, mais dans un train, un de ces trains de luxe qui à l'époque sillonne l'Europe, il a rencontré la cousine du roi d'Espagne, une duchesse extraordinaire, dont il est tombé fou amoureux et à laquelle il a offert un hôtel particulier au 41 de l'avenue Hoche, hein, tout près du parc Monceau. Mmh. Très bel hôtel particulier. Je suis passé ce matin au 41 avenue Hoche pour voir un peu, pour me remettre, si je puis dire, dans l'ambiance. Monsieur Zaharoff mène grand train. C'est-à-dire que si les activités qui sont les siennes ne sont pas toujours entièrement racontables, la vie sociale qu'il mène, son action philanthropique, son action artistique de mécène, etc., est en revanche extrêmement brillante. Et dans ce registre-là, Maria del Pilar, donc celle qui va devenir sa femme, joue un rôle non moins essentiel. On peut dire de Basil Zaharoff que non seulement il manipule l'opinion publique, mais qu'il est devenu pour beaucoup, et notamment pour les industriels de son temps, une sorte de modèle. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez une émission consacrée aux espions, les espions de la Grande Guerre 14-18, et vous nous dressez le portrait d'un homme, Basil Zaharoff. De petit enfant des rues, il est devenu l'un des hommes les plus puissants et les plus riches du monde. Oui, et comme le dit Paul Brancafort, Monsieur Zaharoff est un éminent ami de la France désormais. Grec de naissance, espagnol de cœur, et pour cause, anglais de fortune, ouais. Vous l'aurez compris, il est parisien d'élection. Et c'est à son hôtel particulier de l'avenue Hoche qu'il descend encore le plus volontiers. Au début de 1916, il est devenu très proche d'un certain Aristide Briand, qui voudrait pousser la Grèce dans la guerre. Il faut vous dire que le roi de Grèce, Constantin, est allié aux Hohenzollern puisqu'il a épousé Sophie de Hohenzollern. Il est donc le gendre de Guillaume II. Le roi Constantin va avoir un certain nombre de problèmes parce que des gens comme Zaharoff savent agir pour créer des désordres là où ils en ont besoin. Ce qui fait qu'en moins d'un an, le roi Constantin va être obligé de quitter la Grèce. Un ancien premier ministre grec, le célèbre Venizélos, va revenir au pouvoir. Et il revient au pouvoir, si je puis dire, avec dans ses bagages Monsieur Zaharoff. Pendant toute la Première Guerre mondiale, Zaharoff va jouer un rôle dont nous allons parler dans un instant. Et le 11 novembre 1918, pendant la négociation de paix, il est là, aux côtés de Venizélos. Il est, entre parenthèses, il a été anobli en Angleterre, hein, il est maintenant Sir Basil, c'est vraiment la gloire. Il se met en tête de délivrer les Grecs d'Asie mineure du joug turc. C'est là que ses origines familiales finissent par jouer un rôle, voyez. C'est ce vieux rêve nationaliste grec qui s'est emparé du descendant de la famille chassée de Turquie par les violences de 1821. Ce qui est amusant, c'est qu'on arrive quasiment au centenaire. On va être en 1921, 100 ans après la première indépendance grecque, en tout cas la guerre pour l'indépendance grecque. Eh bien, monsieur Zaharov va s'offrir une guerre, tout particulier qu'il soit. Ce n'est pas un homme d'État, que je sache, il n'est en charge officiellement d'aucun gouvernement. Eh bien, il va la créer, cette guerre. Sauf que là, les Français, les Italiens s'en mêlent. Le traité de Sèvres essaie de mettre tout le monde d'accord. Le nouveau roi de Grèce, Alexandre, vient à mourir. Et qui revient au pouvoir ? L'ancien roi Constantin, qui a été appelé par les urnes, en l'occurrence. Et cet ancien roi Constantin rappelé sur le trône, il avait été détrôné par Zaharov. Il est remis sur son trône par ce fameux Zaharov, qui s'est allié au prince pour le remettre sur le trône dont il l'avait lui-même chassé. Ce qui est amusant, c'est de penser que Venizelos, à ce moment-là, devient l'opposant, devient l'ennemi de Zaharov. Mais il n'est pas à cela près, qu'est-ce que vous voulez. Le 18 juillet 21, donc pour le centenaire de la première insurrection grecque, on va attaquer la nouvelle Turquie de Mustafa Kemal, parce qu'entre-temps, l'Empire ottoman a disparu. Cette attaque sera un échec, que dis-je un échec, hein, une déroute, une véritable hécatombe. Et là, on peut dire que c'est quand même la limite du pouvoir d'un homme comme Zaharov, c'est qu'il ne peut pas gagner les batailles à la place des armées, que voulez-vous. Il a été à l'origine de cette véritable catastrophe grecque, et là il est temps pour lui de se replier, si je puis dire, de se replier sur sa vie privée avec Donia Maria del Pilar, sur ses affaires privées également. Il s'offre Monaco, il n'y a pas d'autre mot quand je dis Monaco, en tout cas il achète la société des bains de mer. Il va enfin pouvoir épouser d'ailleurs sa chère espagnole, puisque son mari vient de mourir. Donc aussitôt, dès qu'il le peut, dès qu'il en a la possibilité légale, il va l'épouser. Ils ne connaîtront le bonheur, si je puis dire, que 18 mois, puisqu'elle meurt d'une mauvaise grippe. 18 mois, c'est court, dira Sir Basil, dont la vieillesse, il meurt à 87 ans tout de même, sera bien triste et beaucoup plus ennuyeuse que ce qu'on pourrait imaginer. Le vieillard a tout le temps désormais de méditer sur cet étonnant paradoxe, tant qu'il s'est appuyé sur la corruption, sur le vice, sur la manipulation pour vendre de la mort en caisse. La chance lui a entièrement souri, et puis le jour où il a commencé à vouloir agir par patriotisme, par amour de sa patrie, à vouloir se mêler de vraies politiques, eh bien là, la chance ou le diable se sont mis à lui tourner le dos. Le vieux monsieur Zaharov, qui partage son temps entre son château du Vexin et son hôtel particulier de l'avenue Hoche, désormais, s'est mis sur le tard à écrire ses mémoires, textes croustillants, dangereux pour beaucoup de monde et bien dignes d'aiguiser les convoitises. Un valet de chambre s'empare du manuscrit, disparaît dans la nature, la police va le retrouver, restituer le texte à son propriétaire. Et que va faire le mémorialiste de ces terribles mémoires ? Zaharov a compris l'avertissement. À quoi bon remuer un passé trop délicat ? Il va faire allumer un grand feu dans le salon de son hôtel particulier et il commence un à un à jeter les feuillets de ses mémoires dans le feu. Le papier brûle bien, les flammes prennent de l'ampleur, la flambée ronfle, gronde, le foyer s'accroît et bientôt, le personnel se met à crier « Au feu ! Au feu !» L'hôtel particulier sera sauvé par les pompiers, des pompiers de Paris, ceux-là, qui n'ont rien à voir avec ceux de Constantinople dans les années 1860. Avenue Hoche, on a eu peur. Le mystérieux vieux monsieur a bien failli semer une fois de plus le feu sur son passage. Bonjour Yvonique de Noël. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire de Basil Zaharov qu'il est un cas unique dans cette période des années 1880-1914, en gros, cette période de course à l'armement en Europe ? Il est sûr qu'à cette période-là, il n'y a pas deux Basil Zaharov. Il n'y a que lui à réussir toutes les contorsions et tous les coups fumants que vous avez décrits. C'est un peu le père des marchands d'armes du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui ne se soit pas référé à un moment ou à un autre à Basil Zaharov. C'était leur dieu, c'était leur référence absolue. Mais et pour cause, parce qu'il a réussi à s'entendre à peu près avec tout le monde, il a manipulé les opinions, il a corrompu les gouvernements et il a fait la plus grande fortune de la planète. Ça marche finalement de vendre des armes à deux belligérants opposés ? Oui, c'est devenu une espèce de figure iconique, à tel point d'ailleurs que Hergé l'a croqué dans Tintin. Tout à fait. Dans l'oreille cassée. Dans l'oreille cassée, je vois que vous connaissez le classique. Et donc c'est devenu une espèce de symbole de la duplicité, du goût du lucre, sans aucune morale. Alors, nous ne sommes pas tout à fait là dans le monde de l'espionnage, mais il est évident qu'on ne peut pas être le représentant d'une ou deux, en l'occurrence plusieurs firmes d'armement, sans avoir des rapports étroits avec les services de renseignement, bien entendu, et d'être soi-même très bien renseigné. Les services de renseignement se sont toujours intéressés de très près aux agissements des marchands d'armes, parce que par définition, ce sont des gens qui ne connaissent pas les frontières, qui vont rencontrer des gens très haut placés un peu partout, et donc qui sont susceptibles de détenir des informations. Puis ce sont des gens qui mènent une vie dangereuse, donc tant qu'à faire, avoir des protections auprès de services secrets, ça peut toujours servir. Donc c'est un échange de bons procédés, un peu d'informations contre un peu de protection ou un petit coup de pouce de temps en temps quand on est dans une situation dangereuse. Que faut-il penser de ceux qui disent que la guerre de 14, née officiellement de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, est née en vérité de la volonté des grandes firmes d'armement de renouveler leur stock d'une certaine manière? Est-ce que des gens comme Basil Zaharoff ont contribué à l'éclatement de la poudrière, à l'explosion de la poudrière? Alors, on ne peut pas dire que ce sont eux qui ont déclenché la guerre, parce que, quoi qu'il en soit, il y a toujours eu des décisions politiques au départ de cette guerre. Mais il est certain qu'ils ont contribué à mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire à courir d'un belligérant potentiel à l'autre en lui disant « Faites attention, votre ennemi est en train de s'armer, vous devriez me racheter quelques armes en plus. » Donc, je dirais, ils ont contribué à créer un climat, ça c'est certain. Ce que disent les marchands d'armes généralement, et d'autres s'inspirant de l'exemple de Basil Zaharoff, ne manqueront pas d'ailleurs de clamer cela haut et fort dans le courant du XXe siècle, c'est qu'au contraire, en surarmant les différentes puissances, ils évitent le conflit, ils créent de la dissuasion, disent-ils. Oui et non. Là, on est dans une situation où la dimension économique va être fondamentale pendant la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, on a des puissances économiques qui s'affrontent. Et une des traductions de cet affrontement, c'est le fait d'acheter des armes. Mais c'est en soi l'opposition, bloc contre bloc, de grandes puissances qui, à un moment donné, ont besoin de prendre le dessus l'une sur l'autre. Mais cette Première Guerre mondiale, ça va vraiment être également une guerre économique. C'est-à-dire qu'à côté des champs de bataille, vous allez avoir des tas de manœuvres et de coups tordus dans les coulisses pour déstabiliser l'économie adverse. Alors, dans le dossier que vous consacrez aux espions, dans Historia, vous évoquez un certain Joseph Crozier, qui est un faux trafiquant. Ça, c'est assez intéressant. On y vient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, au cœur de l'histoire de la guerre des espions entre 1914 et 1918, avec votre invité, nous allons plus loin et nous découvrons ces espions et ces espionnes. Vous recevez Franck Ferrand, Yvonique de Noël. Il est historien, spécialiste du renseignement et il est l'auteur du dossier 1914-1918, la guerre des espions et des espionnes, paru dans le dernier numéro d'Historia, le numéro de mars, qui est actuellement en kiosque. Alors, il ne faut pas confondre, je pense qu'il faut que nous le disions très, très clairement, Yvonique de Noël. Il ne faut pas confondre l'espionnage au sens propre et puis la manipulation d'opinion, notamment le travail sur la presse, sur les cabinets ministériels, etc., qui relève davantage du travail d'un marchand d'armes, hein, d'ailleurs. Oui, il y a le travail de propagande qui consiste à influencer les opinions publiques, par exemple pour accélérer les traités de paix. Voilà. C'est notamment ce qu'on va essayer de faire en renvoyant Lénine, en permettant à Lénine, qui est en Suisse, de rentrer en Russie, en espérant qu'il va précipiter la fin de la guerre en prenant le pouvoir faut voir en Russie. Et puis le travail des espions consiste à la fois à recueillir des informations sur place, mais il peut aussi consister à déstabiliser, à créer des actions violentes, etc. Alors il y a un homme qui s'est formé au contact de marchands d'armes, c'est le fameux Joseph Crozier. Qui est-il ? Effectivement, Crozier, c'est un Lyonnais et il fait le lien avec votre récit puisqu'il a fait ses classes auprès de financiers qui étaient eux-mêmes les financiers de Basil Zaharoff. Donc il connaît très bien ce monde-là et au début de la guerre, il est installé en Hollande, aux Pays-Bas. Il a des affaires assez florissantes et on lui propose de devenir un traître. C'est-à-dire qu'il va, installer diverses sociétés qui vont travailler pour l'Allemagne et très vite on va inscrire ces sociétés au tableau noir des traîtres à la patrie française. Mais évidemment, il mène un double jeu, c'est-à-dire pendant qu'il offre d'approvisionner les Allemands en diverses matières premières qui sont essentielles pour leur économie, en fait, il organise leur déstabilisation. C'est-à-dire que les bateaux de matières premières qu'il envoie vers l'Allemagne, bizarrement, n'arrivent jamais, ils sont coulés par des navires de guerre anglais, c'est la faute à pas de chance. On peut dire que l'espionnage tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'espionnage moderne, est né dans les prémices de la Première Guerre mondiale. Il y avait des espions. Nous avons souvent eu l'occasion ici même de parler des espions de Louis XIV, des espions de Napoléon, etc. Ça existait incontestablement. Mais l'espionnage organisé et à l'échelle où nous le connaissons, il naît avec le premier grand conflit mondial. En fait, la Première Guerre mondiale marque un changement d'échelle de l'espionnage. Vous avez avant, effectivement, un espionnage, on va dire, artisanal. L'espionnage de salon. de salon ou de personnages qui parcourent à cheval des distances pour aller s'infiltrer dans un pays, etc. Là, on passe à un espionnage beaucoup plus organisé, avec des services qui enflent, qui recrutent des milliers de personnes. Par exemple, les Anglais créent des réseaux de résistance en Belgique. Par exemple, chaque belligérant se dote de services de décryptage, puisque c'est l'époque où on commence à utiliser les codes secrets en masse, avec des milliers de messages échangés par jour. Donc il faut essayer de comprendre ce que l'ennemi est en train de préparer. Il y a une logistique quoi, dans l'espionnage. Il y a une logistique de l'espionnage. Alors il y a beaucoup d'improvisation, parce que tout d'un coup, cette efflorescence de service fait qu'on recrute un peu tout ce qui tombe sous la main et donc on recrute des civils qui n'ont pas été formés pour ça et qui doivent apprendre sur le tas. Est-ce qu'on peut dire que la technologie permet aussi à l'espionnage de faire des progrès au début du XXe siècle ? Oui, notamment la TSF qui se développe au début du XXe siècle. Ah oui. Avant, on utilise le télégraphe, c'est pas possible d'espionner à travers le télégraphe. Mais la TSF, c'est des messages qui passent dans les airs, donc ils sont forcément cryptés. Et donc celui qui peut marquer des points, c'est celui qui a les meilleurs décrypteurs. Donc en France, vous avez un personnage comme Georges Pinvin, qui est un polytechnicien génial, surdoué dans tout ce qu'il entreprend, qui va jouer un rôle majeur dans le décryptage des messages allemands. Quand vous dites décryptage, c'est une des activités principales du contre-espionnage. Hein, c'est d'arriver à crypter, à cacher ces messages et à décrypter ceux de l'ennemi, bien entendu. Exactement. Alors c'est une tâche extrêmement ingrate qui prendra encore plus d'importance dans la suite du XXe siècle. Mais il faut, à partir de messages, essayer de trouver la clé, le code. Et souvent, on guette des formules stéréotypées. C'est-à-dire, par exemple, une formule de salutation au début du message. Quelque chose qui marque la date, par exemple. Et à partir de là, on peut tirer le fil et trouver les autres éléments du code. Mais parfois, on a beaucoup de mal, parce que les codes se complexifient. Et quand l'ennemi comprend que les gens d'en face ont décrypté le code, eh bien, ils en changent aussitôt. Et donc, tout est à recommencer. Où recrute-t-on les espions de la Première Guerre mondiale ? Est-ce que ce sont des militaires, des civils ? Est-ce que ce sont des gens de la haute société ou au contraire des inconnus complets ? D'où viennent-ils les espions ? Et les espionnes d'ailleurs, on va dire un mot des femmes tout à l'heure. Alors théoriquement, les espions, ce sont des militaires au départ. Mm-hmm. Donc ce sont d'ailleurs pas forcément les meilleurs éléments. C'est-à-dire que dans l'armée, le renseignement n'est pas au début de la guerre considéré comme quelque chose de très noble. Donc on n'y met pas forcément les gens les plus brillants ou les plus courageux. Ça va changer à partir de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on va réaliser l'importance croissante de ce renseignement. Et puis après, on recrute des civils, mais on recrute un peu dans tous les milieux. Par exemple, on peut recruter des nobles ou des simili-nobles, parce qu'ils vont pouvoir évoluer notamment dans les pays neutres où se croisent des gens de toute nationalité. Et donc on peut comme ça récupérer des informations parce qu'il y a des intrications familiales à travers ces nobles. Donc des nobles français peuvent dialoguer en Suisse avec des nobles allemands sans que ce soit scandaleux. Et puis on va aussi recruter dans toutes les couches de la société. Par exemple, on recrute des prostituées pour faire parler des officiers. Je vois Matahari se profiler là. Alors, il faut faire un sort à Matahari, parce que ce que j'explique justement dans le dossier, c'est que cette femme était une, ce qu'on appelle à l'époque une demi-mondaine, c'est-à-dire qu'elle navigue entre artistes, la haute société, mais elle se prostitue quand même un petit peu. Malheureusement pour elle, elle a été recrutée aussi bien par les Français et les Allemands. Le problème, c'est qu'elle a espionné rien du tout. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais apporté un seul renseignement, mais on l'a livrée en pâture à l'opinion publique comme étant le symbole de la traîtresse. Bel exemple de manipulation et de cryptage via les antennes de TSF, puisque les Allemands ont fait exprès de faire passer par la Tour Eiffel des messages dont ils savaient que les Français les décrypteraient, parce qu'on connaissait ce code-là, ils ont utilisé un vieux code pour être sûr. J'allais dire de griller Matahari, en fait. Exactement. Ils ont assez vite compris qui était Matahari. Elle se retrouve à Madrid auprès de l'attaché militaire allemand. Et évidemment, elle ne parvient pas à lui extorquer un seul renseignement. Et donc, ils auraient pu la tuer eux-mêmes. Ils ont décidé de la renvoyer en France, mais en envoyant un message prétendant que maintenant elle travaillait pour eux. Donc, ce qui était une façon de la désigner aux Français comme une victime sacrificielle. Donc, c'est vraiment, je dirais, une victime, mais ce n'est pas du tout une espionne. Il y a eu beaucoup de femmes très courageuses qui ont accompli de véritables exploits pendant la Première Guerre. Alors, Matahari n'est pas une espionne, mais il y a eu des espionnes. Nous y venons avec vous dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez Yvonique de Noël. Il est historien, spécialiste du renseignement et il est l'auteur du dossier 1914-1918, la guerre des espionnes et des espions. C'est un dossier paru dans le dernier numéro d'Historia, celui du mois de mars qui est en kiosque actuellement. Alors on vient de parler des espions, il est temps de s'intéresser aux femmes maintenant. Oui, aux espionnes, c'est amusant d'ailleurs ce titre. Vous avez mis espion au féminin également parce qu'il y avait des femmes dans cette affaire. Oui, on a voulu jeter un coup de projecteur sur l'irruption des femmes dans ce domaine jusque-là principalement réservé aux hommes, comme d'ailleurs dans beaucoup de domaines économiques, parce que la Première Guerre mondiale a vraiment marqué un tournant pour l'histoire des femmes. Elles se sont beaucoup investies dans des domaines où elles étaient jusque-là peu présentes. Vous avez intitulé l'article qui leur est consacré « Le jeu dangereux des indiscrètes ». Qui sont-elles, ces indiscrètes, alors, si ça n'est pas Matahari ? Eh bien, ce sont d'abord des madame tout le monde, des femmes qui sont recrutées notamment par des réseaux de résistance. Il y en a beaucoup en Belgique, en raison de leur position, de leur capacité à récupérer des informations intéressantes. Prenez Marthe Knokkert. C'est une jeune femme belge absolument formidable, très courageuse. Elle est infirmière à Roulers, en Belgique. Ses parents tiennent un café-hôtel dans lequel, évidemment, viennent séjourner des officiers allemands. Et elle-même, elle est tous les jours à l'hôpital en contact avec des soldats allemands blessés et avec des médecins allemands. Elle est recrutée par un réseau de résistance animé par le MI6 et elle va fournir des informations très intéressantes. Donc, les services secrets britanniques, en l'occurrence. Les services secrets britanniques. Alors, en bonne intelligence avec les Français, il y a un centre interallié qui est installé à Folkestone et qui opère indifféremment, que ce soit des agents français, belges, anglais, etc. Donc elle va fournir beaucoup d'informations jusqu'à ce qu'elle finisse par être découverte et condamnée à mort. Mais il y aura une mobilisation de la part des médecins allemands et comme elle a été décorée pour les services rendus à l'armée allemande, eh bien sa peine sera commuée, elle ne sera donc pas exécutée. Après la guerre, elle va épouser un officier britannique, d'où son nom civil de Marthe McKenna, et publier des mémoires qui vont, préfacées par Winston Churchill, avoir un succès phénoménal. Ah oui, oui. Alors nous avons dit un mot de ces histoires de cryptage et de décryptage qui relèvent de ce qu'on appelle le deuxième bureau, hein, c'est-à-dire plutôt les services militaires en l'occurrence. Exactement. Et puis, et c'est un des aspects très intéressants de ce dossier d'Historia, vous nous parlez des apprentis sorciers de la guerre bactériologique. Il ne faut pas oublier que c'est aussi l'une des dimensions de cette Première Guerre mondiale. Changement complet, si je puis dire, de paysage sur le champ de bataille. Oui, ce qui m'a marqué en faisant des recherches pour ce dossier, c'est un aspect jusqu'ici très peu connu, en fait, de cette Première Guerre mondiale. C'est l'aspect guerre bactériologique. C'est-à-dire que les Allemands ont expérimenté à destination des animaux, l'usage de bactéries, de virus, qui ont effectivement durement frappé l'approvisionnement, notamment en chevaux, de l'armée française. Donc il y a eu plusieurs cas. On a par exemple infecté un silo à grains dans la région de Marseille. On a eu plusieurs actions en Espagne, au Portugal, parce que pour punir le Portugal qui venait d'entrer en guerre aux côtés des Alliés, mais également en Argentine et jusqu'aux États-Unis. Et certains de ces médecins un petit peu dangereux qui ont effectué ces contaminations, eh bien on les retrouvera lors de la Deuxième Guerre dans les expérimentations nazies que l'on connaît. Mais alors il y a une forme de professionnalisation de l'espionnage, si je puis dire, avec la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça change de dimension aussi. Alors voilà, moi j'ai travaillé sur les deux guerres. Oui, en fait, oui. On va venir à votre ouvrage dans un instant. Et ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment ces deux guerres ont formé en quelque sorte la matrice de l'espionnage moderne. C'est-à-dire d'une guerre à l'autre, les effectifs ont gonflé. Le décryptage est devenu une véritable industrie. C'est-à-dire que les Anglais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont mis plusieurs milliers de personnes en face pour arriver à décrypter les codes allemands Enigma. Il y a eu véritablement une industrialisation de cet espionnage avec des moyens hallucinants. Et cette industrialisation, elle a abouti à ce qu'on connaîtra ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre froide dont vous ne traitez pas là. Mais là, l'espionnage deviendra en quelque sorte l'essentiel même du conflit. C'est-à-dire que la guerre froide, c'est une guerre d'espions, globalement. C'est une guerre d'espions parce qu'il n'y a pas de conflit central direct. Il y a des conflits périphériques, en Asie, en Afrique, bien évidemment. Mais on s'affronte en s'esquivant. Alors, disons quelques mots, Yvonique de Noël, de votre ouvrage paru aux éditions du Nouveau Monde. « Mémoire d'espions en guerre, 1914-1945 ». Ce sont de bonnes feuilles, si je puis dire. Ce sont des extraits de témoignages d'une quinzaine d'espions appartenant à différentes puissances et qui racontent leur activité, en quelque sorte. Oui, il s'agit d'une anthologie de mémoires d'espions. Alors, on a extrait pour chaque témoignage, on va dire, une mission substantifique ou moelle. Un passage particulièrement savoureux, passionnant, etc. Mais l'idée était d'offrir, par ce kaléidoscope, une idée de ce que pouvait être la vie quotidienne de ces espions sur le terrain. Et on a essayé d'être représentatif. Pendant les deux guerres. Pendant les deux guerres mondiales. Certains, d'ailleurs, ont fait les deux. Certains se sont réinvestis dans la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, le plus grand réseau de résistance belge, qui s'appelle la Dame Blanche, Walter De Wey, il a repris du service, il a reconstitué son réseau pendant la Deuxième Guerre. Donc, c'est assez extraordinaire. Et donc, on a essayé de représenter un peu toutes les parties en présence, français, anglais, russe, allemand, etc. Eh bien, je ne peux que renvoyer nos auditeurs à la lecture donc de ces missions extraordinaires, de ces grands moments. Ça m'a fait penser, votre livre, vous savez, à ces ouvrages. Et c'est un hommage que je vais vous rendre à l'instant, parce que pour moi, ça a compté dans mon adolescence et dans ma formation. Ces ouvrages qu'on trouvait dans les années 50 et 60, où on avait des récits d'aventuriers, d'évadés, etc., et d'espions. Eh bien là, c'est en quelque sorte le cœur même de l'espionnage des deux guerres mondiales. Ça s'appelle « Mémoire d'espions en guerre ». Et c'est au Nouveau Monde édition. Quant à votre dossier spécial, il est dans le numéro d'Historia de ce mois-ci, le numéro daté de mars 14-18, la guerre des espionnes et des espions, avec une Mata Hari très photogénique en couverture, mais il y a aussi Mademoiselle Doctor, Marthe McKenna, Joseph Crozier dont nous parlions, von Rintelen, Georges Pinvin, etc. Un certain nombre de personnes qui auraient peut-être préféré ne pas passer à la postérité d'une certaine manière. D'ailleurs, Pinvin n'a jamais parlé. Et voilà. Il est resté pendant 50 ans jusqu'à sa mort sans jamais évoquer une seule fois. On sait aujourd'hui par les archives, mais lui, il n'a jamais rien dit. Merci beaucoup, Yvonique de Noël. Merci à vous. Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, nous avons fait connaissance avec un homme, Basile Zaharoff. Il est temps maintenant d'aller découvrir l'un de ses QG, direction la Principauté de Monaco, avec Lorena Martin. Je me suis permis tout à l'heure, bonjour Lorena. Bonjour Franck. Je me suis permis de dire que Zaharoff s'était offert Monte Carlo. En l'occurrence, il s'est acheté la Société des Bains de Mer, ce qui n'est pas mal dans le genre. Ce qui n'est pas mal, il meurt subitement en fait à l'hôtel de Paris le 27 novembre 1936. Puisque son corps en fait est emmené en grand secret et dans la nuit accompagné uniquement de ses deux fidèles serviteurs. Et il avait fait du dernier étage son quartier général puisqu'il occupait l'appartement, on va dire, le plus luxueux de l'hôtel chaque fois qu'il venait à Monaco. Et dès 1900, il est lié à l'exploitation de l'hôtel de Paris puisqu'il devient le principal actionnaire d'une société monégasque représentée par le nouveau directeur de l'hôtel, Georges Fleury. Alors moi qui vais souvent à Monaco, je peux vous dire que ce quartier-là est en travaux depuis longtemps. Il y a des grandes bâches sur l'hôtel de Paris. Et là, ça y est, on arrive enfin au bout du chantier. On arrive presque au bout du chantier. Il est engagé donc dans un programme de rénovation complet depuis 2014. La façade historique de l'hôtel face au Café de Paris restera intacte, de même que l'hôtel, que le hall d'entrée et la cave. Mais voilà, les travaux vont bientôt finir, mais ce n'est pas tout à fait fini. Alors encore. C'est un hôtel mythique, mondialement célèbre, qui a accueilli, on ne peut même pas faire la liste des clients, parce que c'est tout ce que la planète compte de plus incroyable, important. Incroyable, le rendez-vous vraiment de l'élite internationale. On y croise Émile Zola, Clémenceau, le grand-duc Alexis, le prince de Galles, le futur Édouard VII, le prince Louis-Napoléon, Alexandre Dumas, Jules Verne. Vraiment, ce sont des artistes, des hommes politiques. Diaghilev, oui. Même Colette y réside bien de longues sûr, années sous le nom de Madame Thévaud. Il y a de nombreux films aussi qui ont été tournés. Vraiment, c'est des sportifs, des acteurs, des hommes politiques. C'est incroyable. Avec une des plus belles caves à vin du monde. L'une des plus belles caves creusées dans le rocher. Elle renferme près de 600 000 bouteilles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une partie de la cave qui avait été condamnée et derrière lesquelles 20 000 bouteilles ont été cachées et ont pu être sauvées et échapper à l'occupant. Et les caves ont rouvert en 1945 avec la présence de Churchill, qui était un client bien sûr habitué des lieux. Et à cette occasion, on déboucha un vieux rhum de 1811 dont quelques bouteilles trônent encore aujourd'hui dans la cave. Ça aurait plu à Alain Ducasse qui aujourd'hui préside aux destinées du Louis XV, le restaurant. Ça fait plus de 30 ans qu'il est aux commandes de ce restaurant. Au départ, c'est en 1987, le prince Rainier III qui confie la direction du restaurant à Alain Ducasse, qui est alors tout jeune chef. Et le but, c'est d'obtenir trois étoiles en moins de 3 ans. Et donc, c'est à peu près ce qu'il va se réaliser. Et donc, il est le premier restaurant d'hôtel à être récompensé de 3 étoiles au Guide Michelin en 1990. Quand on parle de cet hôtel de Paris, je ne peux pas m'empêcher de penser aux confessions d'un chevalier d'industrie, Félix Roule, qui est un des grand roman de Thomas Mann, et on dit que parmi les modèles qu'avait choisi Thomas Mann pour ce personnage, il y avait un certain Basile Zaharoff. Décidément, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Nous allons, grâce à vous maintenant, Franck Ferrand, pour terminer cette émission, comprendre une expression qu'on utilise assez souvent, à brûle pour point. À brûle pour point, c'est-à-dire de façon très, très, très abrupte. Voilà, ouais. Sans ménagement pour la personne qu'on a en face de soi. Alors, pour comprendre l'origine de cette expression, il faut remonter au Moyen-Âge, à cette époque, enfin au Moyen-Âge et au tout début de la Renaissance, les hommes portent ce qu'on appelle un pourpoint, c'est-à-dire une sorte de vêtement un peu matelassé qui couvrait le corps du cou jusqu'au-dessous de la ceinture. L'usage va être généralisé au XIIIe et il se maintiendra jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Le vêtement en question avait été inspiré de celui que les chevaliers portaient autrefois sous leur armure. Alors, si on attaquait quelqu'un à brûle-pourpoint, à brûle-pourpoint, c'est-à-dire suffisamment proche pour brûler le pourpoint, tout simplement, d'accord. Donc à bout portant. Il n'existait pas encore de cartouches ou de balles à proprement parler à l'époque sur les armes à feu. Il fallait bourrer le canon de poudre. Ça provoquait souvent des explosions et beaucoup d'accidents. C'était pas des armes très pratiques. Et en appuyant sur la détente, si le canon était très proche du vêtement, ça pouvait laisser carrément un trou dans le tissu ou dans la chair, une marque de brûlure, si vous voulez. Plus tard, à partir de 1701, pardon, précisément, l'allocution va passer du langage du sens propre au sens figuré. On va retrouver ça dans le Furetière et dans les dictionnaires, et bientôt dans le dictionnaire de l'Académie, à brûle pour point. Voilà une expression qui devient monnaie courante au moment même où elle n'a plus sa raison d'être. Bien voilà, merci beaucoup, chère Anissa. Bon, on se retrouve demain et d'une guerre à une autre, il n'y a qu'un pas. Demain, nous parlerons d'Hitler et de l'endroit où il a passé le plus de temps pendant la Seconde Guerre mondiale, au Berghof. Oui, nous serons au Berghof en compagnie de Thierry Lenz, qui pour une fois ne nous parlera pas de Napoléon.